À un mois du premier tour des élections municipales, avez-vous déjà pris votre décision? Savez-vous pour qui vous allez voter? Faites-vous partie des personnes qui votent toujours pour le même parti politique ou au contraire de celles qui prennent leur décision à la dernière minute? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui influe sur nos choix politiques? Le milieu socio-professionnel, les origines familiales, la génétique, l'âge, la peur, l'empathie? Parce que le comportement politique est un comportement social comme les autres, la prise de décision est la résultante de facteurs multiples qui intéressent les neurosciences et les politiques eux-mêmes qui s'en emparent pour tenter de rallier à eux le maximum de voix. Neuropolitique, la fabrique de l'opinion, c'est le programme cérébral qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et je vous le disais, tout au long de cette semaine, France Culture décline les enjeux de cette campagne municipale. Nous avons donc choisi, pour notre part, de nous intéresser à la façon dont les neurosciences interrogent cette question de l'orientation politique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lou Safra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CEVIPOF à Sciences Po et au laboratoire de neurosciences cognitives de l'École Normale Supérieure. Et nous sommes en duplex des studios de nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble avec Martial Mermillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, neurosciences cognitives, intelligence artificielle, enseignant-chercheur au laboratoire de psychologie et neurocognition à l'université Grenoble-Alpes. Mais avant cela, elle vous influence chaque jour un peu plus dans votre désir d'actualité scientifique quotidienne. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans eLife qui explique pourquoi les chauves-souris sont des réservoirs à virus. Ebola, la rage et probablement le Covid-19, le coronavirus, de nombreuses épidémies proviennent de la chauve-souris. Alors dans cette étude, les chercheurs de l'université de Berkeley se sont intéressés à leur système immunitaire particulièrement puissant. En laboratoire, les cultures cellulaires de singes et de deux espèces de chauves-souris, la roussette d'Égypte et la roussette à tête grise, ont été exposées à des virus proches d'Ebola et de Marbourg. Chez le singe, les cellules ont été rapidement submergées. Chez les chauves-souris, en revanche, les cellules ont résisté à l'attaque virale. Très rapidement, elles produisent des interférons alpha, une molécule de signalisation antivirale. Par conséquent, le virus reste plus longuement dans leur organisme, un processus physiologique qui fait de ces mammifères de parfaits incubateurs viraux. Jean-François Julien est chargé de recherche au CNRS, au Muséum d'Histoire Naturelle. Il travaille sur les chauves-souris et nous parle de leur système immunitaire très développé. Il est à la fois très développé, il a surtout un mode de fonctionnement qui leur permet vraisemblablement de tolérer des infections virales et d'entretenir certaines souches virales sans qu'elles-mêmes soient trop affectées. C'est en particulier dû à une régulation assez spéciale de l'interféron alpha. En fait, ce sont des messagers qui vont aller stimuler certains types de lymphocytes. Ça a été bien montré déjà chez la roussette d'Égypte, qui est maintenue à un bas niveau constant au lieu d'être induit ou surexprimé en cas d'infection virale, comme c'est le cas chez la plupart des autres mammifères. Ce qui est intéressant, justement, c'est cette mise en évidence peut-être plus directe que dans des études précédentes de la différence de régulation de ces interférons, en fait de réaction du système immunitaire de la chauve-souris. Alors par rapport aux singes qui avaient été pris comme témoins, le papier souligne également des différences justement au niveau de la régulation des interférons entre deux espèces de chauve-souris. En fait, les cellules du singe sont détruites beaucoup plus vite. Pour ça, on peut dire que les virus sont adaptés aux chauves-souris. Il semble que ce soit effectivement des réservoirs de virus. Enfin, elles peuvent entretenir énormément de parasites dans la mesure où elles sont grégaires, donc ça facilite le passage des parasites d'un individu à l'autre. Elles sont grégaires de façon interspécifique, c'est-à-dire que des individus d'espèces différentes se regroupent vraiment à touche-touche entre eux. Elles ont des facultés de dispersion très élevées, elles volent loin et souvent. Donc tout ça, c'est assez idéal pour la propagation et l'entretien de virus, mais aussi bien de virus que de parasites. Ce sont un peu les corrélats vraiment physiologiques sur lesquels on spéculait déjà pas mal justement à propos de leur rôle de réservoir de virus. Voilà, et on reparlera plus longuement des chiroptères, des chauves-souris, donc bien dans pas longtemps, dans une dizaine de jours, le lundi 24 février, ce sera le thème central de notre émission, où nous retrouverons d'ailleurs Jean-François Julien. On passe au bref. La ville de Moscou est en train d'installer le plus grand système de reconnaissance faciale au monde. La capitale russe est déjà dotée de 160 000 caméras de vidéosurveillance, soit une pour 74 habitants. Depuis janvier, le maire de Moscou généralise ce dispositif. La ville a signé un contrat de 3,2 millions de dollars avec la société Entech Lab. Officiellement, cette mesure, c'est pour lutter contre la criminalité. Le nombre de caméras supplémentaires n'est pas annoncé, mais on sait qu'elles seront associées au logiciel FineFi Security, un logiciel qui permet d'alerter la police lorsqu'un visage recherché est détecté. Une étude parue dans The Astronomical Journal perce un mystère, celui de la formation des planètes géantes gazeuses et des naines brunes. Les naines brunes, ce ne sont ni tout à fait des planètes, ni tout à fait des étoiles, et elles partagent de nombreux points communs avec les planètes géantes gazeuses. Une équipe américaine a examiné de nouvelles observations sur des naines brunes dans 27 systèmes différents. La difficulté, c'est que certaines orbitent autour de leurs étoiles sur des centaines d'années. Donc, pour analyser leur orbite, ils se sont appuyés sur une intelligence artificielle basée sur les lois de Kepler. L'étude montre que les naines brunes, avec leur orbite plus longue, se forment comme des étoiles, tandis que les géantes gazeuses, avec leur orbite plus circulaire, se forment, elles, comme des planètes. Et enfin, au Brésil, les chercheurs ont découvert un nouveau et étrange virus. Le Yara virus, un virus au gène inconnu. Une équipe brésilienne l'a découvert dans un lac artificiel, puis a fait le séquençage de son génome. Résultat, sur ses 74 gènes, seulement 6 sont référencés. 90% de son génome est constitué de gènes non identifiés, des gènes orphelins, c'est-à-dire dont on ne connaît pas encore la fonction. Et dans leur prépublication parue sur BioArchive, les chercheurs l'ont aussi comparé avec plus de 8500 génomes sans parvenir à trouver un lien. Pas d'inquiétude, il est inoffensif, mais cela prouve encore une fois la grande diversité des ADN de virus. Merci Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Dans un peu plus d'un mois, vous êtes donc invité à aller voter pour le premier tour des élections municipales. Depuis quelques semaines déjà, les différents partis, les candidates et les candidats avec eux déploient leur argumentaire de campagne de façon à tâcher de vous convaincre de leur confier votre vote. Mais qu'est-ce qui va vous conduire, une fois dans l'isoloir, à mettre tel ou tel nom dans l'enveloppe? Est-ce un attachement atavique à un parti hérité de la culture familiale? Est-ce une considération locale liée à la gestion de votre commune ou au contraire une tendance nationale qui va vous pousser à voter d'une façon différente du dernier scrutin ou rien de tout ça. Pour faire pencher la balance, des armadas de communicants s'affairent à trouver les arguments qui font mouche en jouant sur différents domaines, d'autant plus que l'idée qu'un vote est une décision strictement rationnelle a depuis longtemps été battue en brèche par des études psychologiques et comportementales. D'où l'intérêt par exemple de déplacer le débat dans des sphères qui relèvent plus de l'émotion que de la raison, comme ce fut le cas en 2016 dans cette publicité de campagne de Donald Trump diffusée à la télévision américaine. Dans l'Amérique d'Hillary Clinton, le système reste truqué contre les Américains. Les immigrés syriens inondent le pays. Les immigrants illégaux sont reconnus coupables de crimes, peuvent rester et reçoivent les prestations de la sécurité sociale. Notre frontière est ouverte, comme maintenant, mais en pire. L'Amérique de Donald Trump est sûre. Les terroristes et les criminels sont tenus à l'écart. Nos frontières sont sécurisées, nos familles en sécurité. Rendre à l'Amérique sa sécurité. Choisissez Donald Trump pour être président des États-Unis. Je suis Donald Trump et j'approuve ce message. C'était Antoine Pochon en l'occurrence, mais néanmoins c'est intéressant ces clips de campagne parce que là on entend qu'il y a plein de choses qui sont mises en œuvre dans le discours, mais pas uniquement dans le discours. Lou Safra, quelle est votre analyse ? Alors, on voit l'importance déjà de la peur ici dans ce discours-là. Et en effet, c'est un levier qui est majeur pour les comportements politiques. Donc, il va vraiment faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, donc déjà de plusieurs façons. Tout d'abord parce que les êtres humains sont plus sensibles aux informations négatives qu'aux informations positives. Donc, tout ce qui va être lié à une menace va être retenu de façon plus importante par les individus. Et donc ça, c'est tout à fait rationnel d'un point de vue évolutif, puisque en effet, si quelque chose est menaçant pour ma survie, je vais avoir intérêt à m'en souvenir mieux et à le prendre plus en compte. Donc l'utilisation de des menaces, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours politique de façon récurrente. Et donc c'est une émotion, la peur, qui est un levier principal pour les comportements politiques. Et de l'autre côté, il a été montré que les individus qui sont conservateurs sont plus sensibles à ces informations de peur. Donc là, il va aussi pouvoir s'adresser à son électorat en renforçant l'effet de la peur sur le message. Et enfin, une dernière chose qui a été montrée aussi bien avec des données d'observation qu'avec des données expérimentales, c'est que quand on est dans une situation de menace, on a tendance à préférer des leaders forts, des leaders plus autoritaires et donc plus du type Donald Trump. Maciel Marmillot, quelle est votre analyse de ce petit clip de campagne où il y a évidemment le discours qui joue sur ces émotions négatives, mais on a la musique, le ton, il y a vraiment toute une sorte de décorum qui est vraiment du côté de l'emphase pour aller effectivement parler peut-être à des émotions moins rationnelles et plus émotionnelles. Je reçois complètement l'analyse de Lou Safra à ce niveau-là. En fait, il y a plusieurs travaux qui montrent effectivement qu'il y a une corrélation assez forte entre l'orientation politique et la peur au niveau de l'amygdale cérébrale, donc au niveau neuroscientifique comme au niveau psychologique, au niveau des comportements. Et qui plus est, ces orientations sont renforcées en fait sur quand on s'adresse à d'autres groupes sociaux. Et par exemple, il y a des travaux de Liz Phelps à New York qui montrent que lorsqu'on observe un comportement agressif d'un autre groupe social vers son propre groupe social, et on va le généraliser à l'ensemble du groupe. Et cette agression, en fait, va rester plus longtemps. Le conditionnement va se faire de façon plus efficace et plus longue. Alors que si la même agression se fait d'un membre de son groupe vers quelqu'un de son groupe, et bien dans ces cas-là, on va isoler ce comportement et on va le considérer comme un comportement marginal d'un individu particulier. On va pas le généraliser à son propre groupe, quoi. Donc, y a des mécanismes derrière, que ce soit au niveau cérébraux et psychologique, qui sont très puissants. Le clip de campagne que je viens de diffuser, c'est plus exactement une publicité de campagne. Les publicités qui sont autorisées dans les campagnes américaines, qui sont interdites en France, justement, interdire ce type de spot de campagne, c'est pour éviter, bon, évidemment pour des questions économiques qui sortent un peu de notre débat, mais en tout cas de généraliser les outils du marketing à la politique. Où ça fera ? Je pense que si c'est le cas, en tout cas, c'est pas une régulation très efficace, puisqu'en fait, ces outils du marketing vont être utilisés par les candidats dans leurs discours, dans les affiches, et de toute façon, les futurs électeurs vont prendre en compte tous ces indices-là quand ils vont écouter un discours politique, aussi bien à la radio, à la télé, quand ils vont voir une affiche d'un candidat pour une élection. Donc, finalement, les outils du marketing sont utilisés même de façon inconsciente par les candidats et inconsciente par les électeurs pour faire leur choix. Et puis il y a de toute façon évidemment les clips de campagne, mais qui sont limités dans leur diffusion à des endroits précis de la grille de programmes télévisuels et vraiment pendant un temps très très court. Marcel Marmillot, est-ce qu'on peut faire remonter ou à une période précise justement l'importance justement de ces outils de type marketing ou en tout cas de la connaissance que l'on a de ce qu'on appelle le neuromarketing dans le cadre de campagnes politiques, ou est-ce que finalement ça a toujours été plus ou moins le cas mais de façon plus ou moins scientifique? Je pense qu'une certaine époque, en fait ça s'est toujours fait, à une certaine époque ça s'est fait de façon plutôt intuitive. Et puis, plus récemment, en fait, la force de la psychologie expérimentale et des neurosciences, donc psychologie sociale, psychologie politique, cognitive, et puis des neurosciences cognitives, permet d'apporter des preuves expérimentales de l'efficacité ou de la non-efficacité de différentes techniques. Et donc, maintenant, le danger, c'est qu'effectivement, il y a une mesure de la qualité de ces modes d'influence. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de neuropolitique tout au long de cette heure, c'est-à-dire des neurosciences appliquées aux campagnes politiques, en compagnie de Lou Safra et de Martial Mermillot, qui est avec nous depuis les studios, qui nous parle des studios de France Bleu Isère à Grenoble. Qu'est-ce que c'est exactement que la neuropolitique? Quand est-ce que cette terminologie est apparue, Lou Safra? Alors, parce que c'est assez contesté, je veux dire. Enfin, je veux dire, on parle d'un domaine qui est quand même relativement contesté et qui a quelques zones d'ombre. Je pense beaucoup de zones d'ombre même. Alors, la neuropolitique, je pense qu'on peut le définir comme l'intérêt de certains chercheurs en neurosciences, en sciences cognitives, en psychologie expérimentale pour les questions politiques. Et donc, du coup, peut se créer un champ, puisqu'il y a des publications qui vont être spécifiquement sur les comportements politiques, va se créer un champ de neuropolitique. Après, il faut faire attention à ce que ce soit pas comme donc, le neuromarketing ou tout le neuro... ce que vous voulez. Quelque chose qui est très à la mode. Qui est très à la mode. Parfois définit des réalités un peu troubles. Voilà, et qui en plus, finalement, on peut se demander l'intérêt des neurosciences en elles-mêmes, donc avec leurs outils comme l'imagerie d'imagerie cérébrale, quelle qu'elle soit, pour comprendre les comportements politiques. Donc par exemple, comme ça a été dit, il y a des études qui sont faites avec les neurosciences, donc qui montrent l'importance de l'amygdale ou de certaines zones. On va y revenir. Voilà, mais finalement, les études comportementales peuvent montrer des choses aussi intéressantes sur les comportements politiques. Martial Mermillot, effectivement, il faut peut-être se méfier de cette terminologie de neuropolitique et se dire que l'étude générale comportementale des opinions et du comportement politique fait plus sens que le stricto sensu terme de neuropolitique. Le problème, c'est que les gens, surtout en France, ont une vision très dualiste du comportement et de la psyché en général. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines qu'on ne pense pas liés au cerveau, comme la politique, par exemple, ou le comportement social. Et effectivement, quand on fait des travaux, on a réalisé pas mal de travaux dans ces domaines-là, et chaque fois, ça provoque des réactions un peu épidermiques. On a l'impression que le cerveau peut pas expliquer une partie des comportements. Et puis, en plus, derrière cette vision-là, il y a l'idée que le cerveau, c'est quelque chose qui est génétiquement déterminé, et que donc, si notre cerveau est fait comme ça, on va être comme ça. Les gens ont souvent du mal à intégrer le fait que le cerveau, ça se développe, c'est un peu comme un muscle, et que donc, on peut, par entraînement, développer certaines zones, par exemple, des zones qui sont liées à l'empathie, ça va être des zones qui sont assez complexes au niveau cérébral, et des zones donc plus complexes que, par exemple, l'amygdale cérébrale, qui est une zone sous-corticale qui est impliquée dans la peur, qui est une zone qui est très archaïque, et sur laquelle on peut avoir de l'influence, mais en fait, toutes ces zones-là, elles se travaillent par l'apprentissage. Et donc, c'est une interaction permanente entre l'environnement et le cerveau qui s'adapte à l'environnement et qui se façonne au regard de l'environnement. Et je vais d'ailleurs renvoyer nos auditeurs à l'émission de lundi, puisque lundi nous parlions justement de plasticité cérébrale et nous décrivions exactement ce que vous venez de dire, à savoir le fait que le cerveau change, le cerveau s'adapte, notamment via la plasticité synaptique, mais aussi via un peu de neurogénèse. On en a longuement parlé lundi, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Ce qui est intéressant peut-être, parce qu'on va évidemment pas parler que de neuropolitique, on va pas se dire que tout ça est écrit exactement à des endroits très localisés de notre cerveau, même si on va évidemment discuter ces endroits dont vous parlez, notamment l'amygdale et également le cortex singulaire antérieur, qui sont les deux zones qui distingueraient des comportements dits plutôt conservateurs, de comportements politiques plus libéraux. Mais plus généralement, depuis les années 60, on a un certain nombre effectivement d'études comportementales, et notamment une très importante de Philippe Converse en 1964, qui classe les électeurs en 4 catégories, et qui montre surtout, de façon très intéressante, que seulement 1 personne sur 10 voterait en fonction d'un système de conviction politique. On est tous persuadés qu'on a des convictions très fortes, plus ou moins, mais en fait, c'est une large majorité, Lou Safra. Alors, ça me fait penser notamment à une étude donc plus récente qui a été vraiment fondatrice dans le champ des sciences cognitives qui s'intéresse au comportement politique, qui est une étude de 2005 faite par Alexander Todorov, publiée dans Science, qui montre que finalement, juste avec les visages, donc juste avec les photos des candidats, on peut prédire jusqu'à 70%, enfin une fiabilité de 70% les résultats aux élections sénatoriales aux États-Unis. Donc finalement, ces votes de conviction sont très très faibles par rapport à d'autres facteurs, et notamment des facteurs qui sont beaucoup plus bas niveau, donc comme juger sur les premières impressions. Et ça a été montré et répliqué de nombreuses fois, que tous ces éléments sociaux, en fait, qui vont être utiles dans nos interactions sociales de tous les jours, sont aussi en œuvre dans les comportements politiques et vont guider très fortement les choix politiques des électeurs. Martial Mermillot, sur le fait que finalement les convictions politiques soient plus l'exception que la règle. Mais ça rejoint effectivement énormément de travaux qui sont... Alors, des travaux anciens, hein, les travaux de Kahneman, par exemple, sur le traitement heuristique versus plutôt analytique. Et puis, des travaux plus récents sur, par exemple, les travaux de Nick Chatter sur l'idée de l'esprit plat. C'est-à-dire, en fait, quels sont ces travaux-là? Vous pouvez nous les décrire en quelques mots? Ce sont des travaux qui montrent que... je travaille beaucoup aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et souvent, les personnes qui travaillent dans ce domaine-là prennent l'intelligence humaine comme la référence. Alors qu'en fait, ce que montre Nick Chatter par toute une série d'expériences, c'est qu'en fait, le cerveau passe son temps à rationaliser, à faire des inférences qui n'ont rien du tout de rationnel. Et qu'en fait, on construit nos opinions online... Et souvent sur des croyances qui sont complètement fausses. Et voilà, c'est assez inquiétant, en fait, notre capacité à se baser sur de fausses croyances dans tous les domaines. Hein. Si on commence à analyser, en fait, chez les individus le nombre d'affirmations qui sont supportées par des preuves versus des croyances, on se rend compte qu'en fait, la plupart des choses que l'on dit en permanence sont basées sur des croyances qui n'ont aucune validité. Ça me rappelle, on avait consacré également une émission au biais cognitif, notamment avec Olivier Houdet, pour redire, vous pouvez peut-être nous réexpliquer un peu un mot de ce que c'est que ce système 1 et ce système 2, c'est-à-dire nos façons d'appréhender le réel avec un système 1 qui est immédiat, qui est heuristique, et un système 2 qui, lui, est plutôt rationnel. Martial Mermillot. Oui, alors ce sont des travaux assez anciens. En fait, c'est un psychologue, Kahneman, qui a eu le prix Nobel d'économie, parce qu'on supposait l'être humain comme un être rationnel, en fait, dans les modèles théoriques qui étaient classiquement utilisés en économie. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, le comportement humain n'a rien de rationnel. Bon, c'est un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure avec les arguments qu'a proposé Donald Trump, qui ont contribué à son élection. En fait, on se rend compte que... en utilisant des heuristiques, des choses qui n'ont aucun fondement, qui n'ont rien de rationnel, on peut influencer avec plus d'efficacité le comportement humain qu'avec des arguments rationnels. Qui font partie du système 2. Pardon. C'est ça, le système 1, système heuristique automatique, système 2 qu'on appelle système algorithmique, une pensée plus lente et plus fiable, mais plus logique. Et Olivier Houdet nous parlait à ce micro, lui plaide pour un système 3 qui serait le système d'inhibition, qui permettrait justement d'inhiber le 1 pour aller vers le 2 et qui permettrait justement d'appréhender, de faire fi en partie d'un certain nombre de nos biais cognitifs. On pourra peut-être y revenir d'ailleurs si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant, si on commence à regarder justement les travaux en neuroscience, c'est notamment alors en imagerie cérébrale, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Loussafra. Effectivement, il y a ces deux zones qui sont soulignées, celle de l'amygdale qui joue, disons, sur les émotions profondes, et une autre zone du cerveau qui est celle du cortex cingulaire antérieur qui serait, lui, celui de la correction des erreurs, en quelque sorte. Alors oui, alors il y a plusieurs travaux qui montrent des différences entre conservateurs et libéraux sur l'activation de ces zones. Ces travaux corrèlent avec, donc, comme ça a été dit, des travaux de comportement, hein, où on voit des différences de comportement, notamment quand on est face à un stimulus lié à la peur, en fait. On va avoir des réponses beaucoup plus fortes chez les individus qui sont conservateurs, et aussi une activation, il me semble, donc... Pascal Mérillot me corrigera. Martial Mérillot me corrigera si c'est faux. Une activation plus forte de l'amygdale chez les conservateurs quand ils voient un stimulus de peur, et aussi des réactions physiologiques plus fortes face à ces stimuli-là. Donc là, on a un intérêt des neurosciences de montrer que, en effet, on va avoir des différences profondes en fonction des orientations politiques au niveau cérébral. Martial Mérillot. Oui, effectivement, c'est les travaux de Canet et collaborateurs qui ont montré ces différences, donc, sur une cohorte de 90 participants en IRM anatomique. Alors, c'est des travaux qui font assez peur, encore une fois, parce que ça pose la question de la cause de ces comportements. Encore une fois, le problème qu'on a, c'est que c'est une corrélation. C'est-à-dire qu'on observe cette corrélation entre une orientation politique et la structure du cerveau, donc au niveau du cortex singulaire antérieur qui serait plus développé chez les libéraux, enfin les progressistes, la traduction française plus exacte, c'est progressiste. Et puis, à l'inverse, l'amygdale cérébrale, donc cette zone liée à la peur qui serait plus développée chez les conservateurs. Donc c'est déjà quelque chose de très simplifié, parce qu'il faut comprendre derrière les réseaux qui sont impliqués. La fonction aussi, en fait, le cortex singulaire intérieur, c'est une zone qui est impliquée dans la détection de l'erreur, dans la prise de perspective, dans les processus d'empathie qui sont très complexes. Un réseau cérébral qui est développé, qui s'est développé tardivement en fait dans le développement cérébral des humains. Et c'est une corrélation, donc on n'a pas la causalité. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est mesurer dans quelle mesure ces comportements peuvent être et ces caractéristiques cérébrales peuvent être modifiées par apprentissage. On a déjà, si je peux continuer bien un peu. Bien sûr, évidemment, hein, je vous en prie. En fait, il y a pas mal de travaux dans le domaine de la psychologie cognitive et des neurosciences cognitives qui ont montré, par exemple, que les chauffeurs de taxi à Londres ont un hippocampe cérébral qui est plus développé en volume. Enfin, c'est une étude de la fin des années 90. Et donc, c'était aussi une étude corrélationnelle. L'hippocampe cérébral, c'est une zone qui est impliquée dans entre autres, dans la navigation dans des espaces complexes en trois dimensions. Donc, c'était avant le GPS. Il n'y avait pas encore beaucoup de GPS à cette époque-là. C'est le GPS anatomique. C'est ça. Et en fait, on a observé, enfin, des collègues à Londres ont observé une corrélation entre cet hippocampe cérébral qui était plus développé en volume chez le chauffeur de taxi par rapport à des témoins appariés qui étaient équivalents mais qui n'étaient pas chauffeurs de taxi. Et donc, étant donné que c'est une corrélation, on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont chauffeurs de taxi qu'ils ont développé ces zones cérébrales ou si c'est parce qu'ils avaient ces aires cérébrales plus développées qu'ils sont devenus chauffeurs de taxi parce qu'ils avaient des facilités dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une étude purement corrélationnelle. Et donc, il y a Dragonski et collaborateurs, quelques années plus tard, qui ont réalisé la même expérience au niveau causal. C'est-à-dire qu'ils ont fait jouer ils ont fait faire du jonglage à des participants à un instant zéro. Et puis, d'abord, ils ont fait un IRM. À un instant zéro. Ensuite, pendant 3 mois, ils ont appris le jonglage. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que après ces 3 mois de pratique du jonglage, ils avaient développé certaines zones du cerveau pour pouvoir réaliser cette tâche qui est assez complexe. Et au laboratoire, on a des collègues qui travaillent par exemple sur la dyslexie, qui ont montré aussi, donc au niveau comportemental, l'efficacité de certaines thérapies. En fait, on peut soigner certaines formes de dyslexie avec des thérapies cognitives qui sont réalisées au laboratoire. Et puis, on a pu montrer aussi, nos collègues ont pu montrer le développement de certaines fonctions au niveau cérébral qui sont induites par ces thérapies. Et donc là, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est réaliser le même type d'expérience. Parce qu'en fait, quand on parle de processus cognitif, ça pose problème à personne de dire qu'il y a certaines zones qui se développent par apprentissage. Donc sur la navigation dans des environnements complexes ou la dyslexie, ça pose pas de problème de dire que le cerveau peut se développer certaines fonctions qui sont liées à des aires cérébrales. En revanche, quand on parle de comportements politiques ou comportements sociaux, là tout de suite ça provoque une levée de bouclier. On a l'impression que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le cerveau, encore une fois, et le comportement social ou politique, ça fait peur aux gens en fait. Oui, parce que ça pose évidemment la question du déterminisme. C'est-à-dire qu'évidemment, vous soulevez, c'est la question de fou la poule, hein. Est-ce que c'est parce que il y a cette structuration de ces aires cérébrales que ça conduit à ce type de comportement, ce qui là pour le coup pose une vraie question de déterminisme, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est à force et à la longue, à force d'avoir ce type de pensée que l'on développe, finalement ces aires cérébrales, Lou Safra? Alors je pense que même plus loin que l'œuf ou la poule, ça permet de poser la question de la place des comportements politiques dans le comportement humain. C'est-à-dire que ces zones amygdales, ACC, ce sont des zones qui sont utilisées pour de nombreux comportements. Donc l'amygdale, ça va être dans de nombreux comportements sociaux, puisque ça va être des émotions, notamment la peur. Et donc, finalement, on peut se demander s'il y a quelque chose de spécifiquement politique, donc une sorte de phénotype de conservateur, ou alors est-ce que finalement, ça ne reflète pas le fait que, certaines attitudes sociales vont être associées au fait de voter plutôt pour un candidat que pour un autre. Mais ça, ça voudrait dire que c'est pas la politique qui va être en elle-même codée au niveau cérébral, mais plutôt ça va être des comportements sociaux généraux et qui vont se traduire dans le cadre politique d'une certaine façon et dans le cadre des relations interpersonnelles quotidiennes d'une certaine façon aussi. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si on retourne en fait l'expérimentation que vous évoquiez, Martial Mermillot, c'est qu'en prenant uniquement en compte justement le développement de ces deux zones, c'est-à-dire l'amygdale et le cortex singulaire antérieur, sur 118 participants à l'aveugle, les chercheurs arrivent à prédire 3 fois sur 4 l'orientation politique. C'est que tout de même, il y a une certaine forme aller de déterminisme. Après, la question, c'est est-ce que c'est un déterminisme génétique qui est codé dans le dur et sur lequel on a peu de prise, ou est-ce que c'est un déterminisme environnemental, sachant qu'évidemment les deux sont en interaction, hein, donc c'est des questions qui sont très complexes. Et en fait, maintenant le but, ça va être de réaliser des expériences qui vont permettre de tester ça de façon causale et de mettre, par exemple, est-ce que le fait d'exposer des gens à des reportages à la télévision qui vont faire peur, qui vont effrayer la population, est-ce que ça pourrait peut-être développer certaines zones comme l'amygdale cérébrale? Ça, c'est vraiment des choses qui seraient très importantes de tester. Un dernier mot à ce sujet, tout de même, Martial Mermillot, je croyais, pour avoir fait quelques émissions sur les neurosciences ici même, que de plus en plus, cette conception localiste du cerveau était un peu obsolète, c'est-à-dire qu'on pensait finalement qu'il fallait arrêter de penser le cerveau comme telle zone est liée à telle forme d'activité ou d'expression, et que tout ça était tout de même nettement plus localisé. On en reparlait encore justement lundi en parlant de plasticité cérébrale et en montrant que, eh bien, finalement, même les zones lésées pouvaient finalement être contournées et recréer d'autres formes de liaisons qui n'étaient pas a priori la liaison initiale. Complètement. En fait, là, c'est vraiment une version. Ces premiers travaux, c'est les balbutiements en fait des recherches en neurosciences politiques. Alors, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu plein d'auteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Mais en fait, maintenant, la compréhension des mécanismes cérébraux impliqués dans les comportements sociaux et politiques passe par des réseaux, et comme disait Lou Safra, des réseaux qui sont impliqués dans différentes fonctions cognitives. Donc le cortex singulaire antérieur, il ne sert pas uniquement à des comportements politiques ou sociaux, il sert aussi à la régulation des émotions, à la détection de l'erreur, et à des fonctions cognitives qui sont plus générales en fait que le comportement politique. Et derrière, ce sont des réseaux qu'il va falloir comprendre, et de façon moins corrélationnelle et plus causale. Lou Safra ? Oui, alors je voulais revenir justement sur cette idée de plasticité et de est-ce que c'est gravé dans le dur ou pas. Donc il y a des études maintenant qui montrent qu'une partie des comportements politiques est codée génétiquement. Et ce qui est tout à fait logique, en fait, quand on pense que c'est un comportement qui s'inscrit dans des comportements beaucoup plus larges de l'être humain, en fait, pourquoi l'ensemble de nos organes aurait des codes génétiques et en revanche, le comportement, lui, serait complètement séparé et aurait aucune base génétique, ce serait très très bizarre. Donc, en effet, des comportements sociaux profonds sont codés génétiquement et ça se traduit notamment par la connectivité de certaines aires, la densité de certaines aires cérébrales, etc. Donc, ça se traduit aussi au niveau biologique. Et donc ça va être des attitudes qui vont être assez profondes, donc par exemple des attitudes envers l'innovation, etc., donc qui peuvent avoir des retentissements politiques, mais qui sont aussi des attitudes plus profondes de l'individu. Et après, en effet, il y a une grosse part de l'environnement, de l'entraînement, du contexte qui va moduler les comportements politiques et donc aussi l'activité cérébrale attenante, puisque quand même, le comportement passe par le cerveau, comme ça a été très bien dit. Et quand on parle évidemment de prédisposition génétique, on ne dit pas qu'il y a un gène qui vous indique de voter à droite, à gauche, au centre, où vous voulez, mais que tout ça, il y a un certain nombre de gènes qui constituent ensemble des prédispositions à, et qu'on ne parle pas évidemment de déterminisme, et que vous n'allez pas être forcé par votre génome à aller mettre tel butin dans l'urne, mais évidemment, peut-être enclin à certains comportements qui, in fine, vont se refléter sur votre orientation politique à un moment donné, mais heureusement, nous sommes humains, nous sommes doués de libre arbitre, et on peut évoluer, on peut changer, et on va vous le montrer dans quelques instants. Oh, the night is our world. Self-control de Laura Branigan, tout arrive sur France Culture à 16h35. Self-control parce que nous parlons du contrôle de nos pensées, de nos opinions, de nos comportements et en l'occurrence de nos comportements politiques. Nous parlons de neuropolitique et puis plus généralement de la conception comportementale et socio-comportementale de nos opinions politiques. Nous en parlons avec Lou Safra qui est chercheuse au CEVIPOF à Sciences Po et au laboratoire de neurosciences cognitives de l'École Normale Supérieure et avec Martial Mermillot qui est avec nous en studio de Grenoble, qui est docteur en psychologie, neurosciences cognitives et intelligence artificielle et enseignant-chercheur au laboratoire de psychologie et neurocognition à l'université Grenoble-Alpes. Alors, on a expliqué il y a quelques minutes que le lien entre l'anatomie cérébrale et la prise de décision était effectivement un vaste domaine d'étude, qu'il fallait évidemment y prendre, et je pense que nous l'avons fait, y mettre en tout cas un certain nombre de précautions, mais ce champ d'étude, c'est pas uniquement dans le domaine politique. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris pour comprendre eh bien justement quelle est la méthodologie derrière ces études sur la prise de décision. En ce qui concerne les choix alimentaires, j'ai retrouvé Liane Schmidt qui m'a expliqué pourquoi il est plus facile de quantifier la prise de décision dans un cadre alimentaire que dans un cadre politique. Sur 91 patients, elle a évalué les liens entre le self-control, c'est-à-dire l'inhibition, et l'anatomie cérébrale. Ainsi, par imagerie, elle a mis en évidence l'implication de deux zones dans la prise de décision, des zones qui sembleraient favoriser les bons choix, entre guillemets. Et au-delà de ces résultats, ces travaux montrent aussi comment il serait possible de prédire la capacité d'un individu à faire des choix. La prise de décision, en fait, c'est basé sur des valeurs qu'on attribue à des options de choix. C'est déjà hyper complexe de comprendre, en fait, la prise de décision et son contrôle, en fait, son self-control. Et on utilise le paradigme du choix alimentaire parce que c'est facile à manipuler. On sait exactement ce qu'on mesure parce qu'on peut demander aux participants de nous dire combien ils trouvent ça bon en goût et combien ils trouvent ça mauvais en santé. Voilà. Et donc, pour un aliment, deux attributs les plus importants, c'est le goût et la santé. Pour une opinion politique, les attributs peuvent varier d'une personne à l'autre, en fait. Donc, on attribue des valeurs, en fait, affectives à ces différentes options. Et on a trouvé, en fait, une corrélation entre deux régions, en fait, qui sont importantes dans la prise de décision. Ce sont le cortex ventromédial préfrontal et le cortex dorsolatéral. Comment vous avez pu identifier ces volumes plus significatifs chez les personnes Alors là, en fait, on a testé 90 sujet sain, et il faisait une tâche sur ordinateur où il devait dire en fait combien il veut manger un aliment affiché sur l'écran, qui variait en goût et en bon pour la santé, vraiment très varié. Et ensuite, on a corrélé en fait, pour trouver déjà le score du self-control, on a corrélé combien il trouvait en fait cet aliment bon en goût et combien il trouvait cet aliment bon pour la santé. Ce genre de prise de décision en faveur de la santé, elle correspond à un certain type de profil cérébral. Oui, oui. Donc, en fait, vous voulez savoir, en fait, maintenant, comment, en fait, cette capacité de self-control. Donc, on obtenait comme ça un score de self-control pour chaque essai. Et ça, on corrélait à la matière grise, en fait, dans le cerveau, en fait. C'est-à-dire. La matière grise, c'est. La matière grise, c'est les neurones. Et donc, cette matière grise, elle varie, en fait, d'une personne à l'autre, en fait, et d'une région à l'autre. Et on peut dire, si on trouve une corrélation positive dans une région particulière, comme le dorsolatéral préfrontal ou le ventromédial préfrontal, au self-control, c'est-à-dire plus de matière grise dans cette région-là, plus de capacité de self-control, ça veut dire, en fait, elle est plus développée et elle est plus importante, en fait. Donc on est plus rationnel si on a plus de matière grise et on fait plus les bons choix, entre guillemets. Voilà, en fait, c'est-à-dire plus de ces deux régions plus développées nous permettent d'être plus self-contrôlés, en fait. Après, il ne faut pas oublier que c'est une corrélation. Et du coup, en fait, on ne peut pas vraiment dire la directionnalité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire parce qu'ils sont plus développés, on est plus, en fait, self-contrôlés. Parce qu'il se peut aussi que, parce que justement, on est plus self-contrôlés, on utilise plus souvent ces deux régions-là. Parce que c'est réciproque. Déjà. Voilà, c'est réciproque. Alors là, en fait, on segmente dans les trois types de tissus. Et on a une valeur de volume, en fait, pour chaque voxel dans le cerveau. Et un voxel, c'est comme un pixel, en fait, en trois dimensions. Du coup, on a ces petits cubes, en fait, ces petits voxels, qui ont une valeur qui est l'intensité du signal, en fait, de la matière grise. Et ensuite, on utilise des logiciels, comme SPM, par exemple. Et ça, on corrèle à la capacité de self-control de cette personne-là. Et on fait ça, bien sûr, en fait, sur toutes les voxels du cerveau. Et on regarde ensuite là où ça corrèle positivement sur 91 sujets. Donc là, en fait, ce que vous avez ici, c'est une matrice de corrélation affichée sur l'écran. Donc ici, vous avez... Ça ressemble à un code barre. Voilà, c'est un code barre, en fait. Ici, vous avez notre régresseur, en fait, notre variable d'intérêt, qui est le self-control, en fait. Et après, en fait, on analyse et on regarde, sujet par sujet, par combien ce choix était basé sur l'aspect sain de l'aliment, en fait. Et plus que c'est basé sur l'aspect sain, dans cette condition-là, plus de self-control on considère. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a l'habitude plus de voir plus souvent. Et donc ce qu'on voit, c'est le ventre médial préfrontal qui est tout en jaune là. Donc ces voxels-là, dans les trois dimensions, gauche-droite en fait, devant-arrière et haut-en-bas, s'activent ou sont plus volumineux et corrèlent positivement avec le self-control. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a pu déterminer ces zones-là précisément, ces voxels, on peut l'utiliser pour essayer de, dans l'autre sens, augmenter cette capacité de prise de décision, de résistance. Voilà, et encore, c'est assez fascinant parce qu'on ne sait pas trop dans quel sens ça va. Donc maintenant, la recherche elle peut vraiment aller dans le sens et regarder bah, qu'est-ce qui se passe dans un nom chez ces 91 sujets. Est-ce que, voilà, il y a toujours cette corrélation positive ou peut-être, en fait, ils ont complètement changé, en fait, leurs habitudes alimentaires aussi, leurs capacités. Donc, ils ont utilisé moins cette région-là. Donc, du coup, la relation n'existe plus parce que le cerveau est extrêmement plastique. Et on a pris ces deux coefficients de corrélation pour calculer ensemble avec la matière grise dans les 32 sujets qu'on n'a pas mis dans cette analyse-là, leur self-control théorique, en fait. C'est-à-dire, on a multiplié la matière grise de chacun, en fait, de ces 32 sujets qui faisaient cette autre tâche, avec le coefficient de corrélation, et on a calculé une self-control théorique. Et celle-là, en fait, on a corrélé à la self-control observée. Et on a vu, en fait, si ça, c'est positif, significatif, et c'était, en fait, le cas. Et ça veut dire que le volume de ces deux régions peut prédire le self-control d'une population complètement différente qui a fait une tâche de self-control et de prise de décision alimentaire un peu différente. Ce qui valide cette corrélation chez les 91, mais aussi qui permet en fait d'inférer que c'est un rôle général. Voilà, ces études sur l'inhibition, le self-control, l'inhibition dans les comportements alimentaires, évidemment, à mettre en regard de notre discussion autour des comportements politiques. Je vous voyais opiner pendant la diffusion du reportage, Loussafra, ce sont des démarches qui vous sont familières? Oui, alors comme ça a été très bien expliqué, en fait, ce qui va être intéressant aussi, donc avec cette approche cognitive ou neuroscientifique, c'est que on va prendre un comportement qui est très complexe. Donc là, c'était pour le comportement alimentaire, mais c'est pareil pour les comportements politiques, c'est même pire. C'est-à-dire qu'on a un comportement très complexe et on va, pour l'étudier, devoir le réduire à quelque chose de très simple. Et donc là, c'était évoqué que les participants devaient faire des choix devant un ordinateur entre plusieurs items et plus ou moins simple, plus ou moins bon goût. Et pour les comportements politiques, on va avoir exactement la même chose. On va avoir une simplification à l'extrême. Donc typiquement, on peut avoir des visages qui sont des avatars qu'on va présenter aux participants. Donc des avatars qui vont être contrôlés pour certains traits, à quel point ils inspirent confiance, à quel point ils ont l'air dominants. Et on va demander aux participants, pour qui est-ce que vous voteriez dans une élection nationale? Et donc on voit qu'on est dans un contexte complètement artificiel, mais on a besoin de ces protocoles expérimentaux-là pour comprendre des comportements réels, des comportements politiques. Martial Mermillot. Oui, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce reportage, c'est que justement, on revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance de comprendre les réseaux. Parce que derrière ces travaux sur les parties frontales du cortex, donc la partie ventromédiale ou dorsolatérale, puis il y a aussi le cortex orbitofrontal qui fait partie de ces structures. En fait, derrière, ce sont des structures qui sont impliquées, par exemple, dans la régulation des émotions. Donc là, on est sur le comportement émotionnel lié au comportement alimentaire, donc qui est très lié certainement au circuit de récompense, au noyau accumbens, qui est aussi une structure sous-corticale archaïque qui va nous faire rechercher des stimuli qui nous apportent du plaisir et éviter ce qui nous apporte une aversion. Mais ces structures, par exemple le cortex orbitofrontal, il est impliqué aussi dans la régulation de comportements émotionnels qui sont liés à la peur. Vous avez un énorme faisceau de fibres blanches entre l'amygdale cérébrale et le cortex orbitofrontal, qui permet en fait de réguler nos comportements émotionnels et d'inhiber ces comportements émotionnels liés à la peur. Et donc, ces structures au niveau frontal devront être prises aussi en compte pour expliquer les comportements politiques et les orientations politiques possibles et puis plus largement les comportements sociaux qui sont impliqués dans le comportement politique, mais aussi dans le comportement plus général. On a parlé ensemble hein, de ces sources, de ces localisations. Alors si évidemment, comme on l'a spécifié, ce sont des localisations un peu réductrices, mais néanmoins ces centres cérébraux qui sont particulièrement stimulés par certains types de comportements politiques. On a parlé éventuellement effectivement de certaines formes de prédisposition génétique, donc évidemment de la question du déterminisme. Pour autant, on connaît tous, il nous arrive de changer d'opinion politique au cours de l'existence. L'opinion politique n'est pas évidemment gravée à jamais et ad vitam dans notre génome ou dans notre cerveau. Et néanmoins, il y a une étude assez passionnante qui montre que, à la différence d'autres types de comportements, les comportements politiques sont des comportements qui sont extrêmement fixes et dont il est difficile de changer. Il y a une étude de Nature en 2016 qui montre qu'on a du mal à aller contre nous-mêmes en termes, quand il s'agit de pensée et d'opinion politique. Lou Safra, est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus ? Alors, je pense que c'est lié au fait que les comportements politiques, en fait, sont associés à des attitudes sociales et comportementales plus générales, comme la conformité, l'aversion au risque, etc. Et donc, en fait, comme ça va être l'agrégation de l'ensemble de ces attitudes-là, on va avoir du mal à en changer. Néanmoins, il y a beaucoup de travaux qui montrent que le contexte dans lequel l'individu est va faire des changements dans son comportement politique de façon assez systématique. Donc, ça a été évoqué, les contextes de menace vont induire des comportements plus autoritaires et ça peut expliquer des gros bouleversements comme il y a eu dans les années 30 avec la montée du fascisme et comme on peut voir aussi actuellement avec les crises, hein, aussi le terrorisme, qui va être associé de façon assez systématique à une augmentation des comportements autoritaires. Et on a aussi des choses qui sont non politiques, donc c'est particulièrement intéressant de regarder l'espèce humaine dans une perspective évolutionnaire à ce niveau-là, donc des choses non politiques comme les maladies, qui elles vont aussi déclencher des comportements politiques spécifiques, et ça c'est interprété comme donc, notamment le fait que les maladies vont avoir tendance à développer la xénophobie, et c'est notamment quelque chose qu'on peut observer actuellement, hein, qui a été dénoncé. Les épidémies, on a fait l'hypothèse au niveau évolutionnaire que les épidémies allaient induire des comportements de protection de l'individu, donc contre les sources des pathogènes, et donc plus spécifiquement contre les individus qui ne sont pas dans le groupe, qui sont plus probablement porteurs de pathogènes contre lesquels l'individu n'a pas une immunité déjà acquise. Et donc ça entraînerait des comportements xénophobes, enfin donc en fait de repli vers l'ingroupe et qui se traduit au niveau politique par des comportements xénophobes. Le rapport hein, dans l'étude que je mentionne de Nature de 2016 montre que quand on pousse des gens, on leur montre un certain nombre de propositions comme par exemple l'avortement devrait-il être légal oui ou non, et puis ensuite on leur montre un certain nombre de contre-propositions et on repose la question à la fin, le rapport d'adhésion aux idées politiques initiales est 4 fois supérieur au changement d'opinion par rapport à des choses beaucoup plus neutres comme par exemple Thomas Edison a inventé l'ampoule, Mathias Mermillot. Comment on explique ce manque finalement de plasticité politique en quelques mots ? Alors on a réalisé des expériences donc avec une doctorante que j'ai co-encadrée, Amélie Brett, qui a travaillé donc sur le conditionnement et l'autoritarisme. Et donc l'expérience était très simple, hein. On a pris le niveau d'autoritarisme à la base des individus. Et puis on a mesuré, en fait on a réalisé une procédure de conditionnement affectif, donc des stimuli neutres qui sont associés soit avec des stimuli positifs ou négatifs. Donc deux catégories d'avatars. Et ce qui se passe, c'est que donc les gens, en fonction de leur niveau d'autoritarisme, ils se conditionnent de la même façon. Ce qu'on a voulu tester, c'est la flexibilité cognitive des individus. Est-ce qu'ils sont capables de changer d'opinion si on modifie le conditionnement ? Et donc, pendant la procédure, la catégorie A, qui était associée à des stimuli positifs, est devenue associée à des stimuli négatifs. Et inversement pour la catégorie B. Et ce qu'on a montré, c'est que plus le niveau d'autoritarisme était élevé, et plus les individus avaient du mal à se déconditionner du premier conditionnement pour se reconditionner sur le second. Donc il y aurait des, et c'est des expériences qui ont été répliquées à travers toute une série d'études, et donc voilà, on a pas mal de questions que l'on se pose sur quelle est l'origine en fait de ces liens entre autoritarisme et flexibilité cognitive. Évidemment, quand on entend tout cela et la capacité de modifier ou de jouer d'utiliser en tout cas ces techniques pour modifier l'adhésion politique, on se demande et on repose la question du départ qui est celle de l'encadrement justement de ces techniques dans la sphère publique et notamment dans la sphère électorale, en politique et pas uniquement en politique, et ça va être l'objet justement de la recherche Montre en main. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en ligne avec Gwenaëlle Donadieu, bonjour. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour. Juste, je vais préciser que vous travaillez sur l'encadrement juridique des pratiques commerciales cognitives et que vous êtes en quatrième année de thèse rattachée à la faculté de droit de Montpellier. On vous écoute. Oui, donc merci de m'avoir invité pour parler de mon sujet de thèse que je réalise sous la direction de Monsieur Depincé. Je travaille effectivement sur une nouvelle forme de pratique commerciale, les pratiques commerciales cognitives, qui consiste non pas, comme pour les pratiques commerciales, à l'orientation du comportement du consommateur, mais qui intervient en amont justement sur l'orientation de son processus décisionnel. Avant, les pratiques commerciales reposaient sur l'utilisation de stratégies que tous les consommateurs connaissaient, type publicité ou l'agencement des produits dans les rayons, etc. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on a des nouvelles informations sur les leviers de prise de décision qui, justement, peuvent être utilisés après dans l'élaboration de différentes stratégies, notamment lors de la conclusion de contrats en ligne. Cette efficacité des stratégies cognitives a déjà été démontrée et fortement mise en œuvre dans le cadre des politiques publiques cognitives, qui sont aussi appelées des nudges, qui sont en fait des stratégies qui reposent sur l'utilisation donc des sciences cognitives pour induire chez les citoyens des comportements, des prises de décision qui sont favorables pour l'intérêt général. L'exemple le plus parlant sur ce type de pratique est celui du don d'organes, où justement on est passé d'une stratégie où le consentement se faisait, enfin, par principe, personne n'était donneur par défaut, à une stratégie où on est tout le donneur par défaut. L'efficacité de cette stratégie repose sur la mise en œuvre du biais de statu quo, aussi appelé biais d'inertie, qui va justement être une matérialisation du fait que les individus ne sont pas enclins à changer de situation et restent le plus souvent engagés dans les rapports dans lesquels ils se trouvent. Bien entendu, les individus restent libres de prendre leurs propres décisions et là, dans l'espèce, ils peuvent totalement retirer le consentement qu'ils ont fourni. Pour autant, les chiffres et les résultats sont éloquents parce que dans les États qui ont choisi justement de passer par le consentement par défaut, on est sur un taux de donneur de 80%, là où les États qui n'ont pas encore fait ce choix, ils restent à 30%. Là, l'objectif était vertueux dans le sens où c'était vraiment pour pallier le problème du trop faible taux de donneur. L'utilisation en matière commerciale de ces stratégies paraît quand même plus contestable. Ces stratégies, finalement, reposent sur la mise en œuvre par certains professionnels qui peuvent justement cumuler certains biais cognitifs pour orienter volontairement le consommateur et l'inciter à conclure un contrat de consommation. La différence avec les pratiques commerciales classiques réside dans le fait que là, les consommateurs n'ont absolument pas conscience de l'influence que les professionnels peuvent avoir sur eux. Les différentes autorités ont déjà mis en avant ce type de pratiques, notamment au travers des ventiliers et plus généralement sur des pratiques qui se répandent dans le secteur du numérique. Par exemple, le Règlement général sur la protection des données a imposé de demander aux consommateurs le consentement libre et éclairé du traitement de leurs données. Certains acteurs utilisent des stratégies, donc on va envisager très rapidement seulement deux biais, qui reposent sur l'illusion de contrôle, donc qui est d'une communication commerciale où les consommateurs auront l'impression qu'ils peuvent tout contrôler sur la protection des données, et le biais de statu quo qui, justement, conduit les consommateurs à rester dans cette situation sans modifier les paramètres. Par principe, cette pratique cognitive n'est pas prohibée, elle n'est pas déloyale. En revanche, si les réglages par défaut sont configurés dans la version la plus intrusive possible, là, on se retrouve sur une utilisation déloyale des sciences cognitives. Se posera alors la question de savoir si le consentement du consommateur est réellement libre et éclairé. Pour répondre à cette question, j'envisage aussi bien des dispositions du droit des contrats que du droit de la consommation pour faire émerger une nouvelle sorte de pratique commerciale déloyale, ce qui impose une réflexion globale sur les critères de caractérisation de l'utilisation déloyale des neurosciences. Et je proposerai aussi la mise en place d'un système de compliance qui permettra à terme de garantir le consentement libre et éclairé des consommateurs. Merci beaucoup de votre présentation, Gwenaëlle Donadieu. Un tout petit mot pour conclure, parce qu'il nous reste très peu de temps, Lou Safra, sur cette question du nudge. Effectivement, le petit coup de pouce qui fait basculer, il faut mieux l'encadrer, il faut que la loi soit plus dure avec ce type de technique un peu malhonnête. Je pense qu'il faut faire attention, en effet, puisqu'on est passé de « je sais par l'expérience que ça marche » à « en fait, je sais ». Par la preuve que ça marche. Et donc, les connaissances qu'on accumule sur le comportement humain peuvent être utilisées à bon escient comme à mauvais escient. Et même pour les politiques publiques, il me semble qu'il y a des encadrements très stricts sur l'utilisation des nudges, puisque les politiques qui pensent savoir ce qui est bon pour les individus ont quand même une vision propre de ce qui est bon pour eux. Et donc, il faut garder le libre arbitre de chaque citoyen et sa capacité à décider ce qui est bon pour lui-même. Gardez donc votre libre arbitre pour le premier tour des élections municipales le 15 mars prochain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Lou Safra. Merci Martial Mermillot d'être venu nous parler de cette neuropolitique et de nos comportements politiques. Merci à nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble pour le duplex. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver les idées claires en podcast ou en vidéo sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Aujourd'hui, on a pris toutes les fausses informations qui tournent autour du coronavirus pour les démonter une par une. Ça s'appelle une épidémie de désinformation. Voilà, on vous laisse jeter un œil à ça. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Eve Etienne, Céline Lozen, Tom Humzenstock, Noémie Naguette Saint-Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. Demain, Histoire des sciences, cette semaine qui célébrait hier, en l'occurrence, les femmes en sciences. Nous vous raconterons le parcours de Sophie Germain, mathématicienne, physicienne, philosophe au début du 19e siècle. Ce sera passionnant. Rendez-vous demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.